Chambertin. On dit que c'est du Chambertin. Du Chambertin. Du Chambertin. Oui, vraiment, c'est de très bon vin. Oui, vraiment, c'est de très bon vin. Mais est-ce bien du Chambertin? Oh oui, est-ce bien du Chambertin? Oui. J'en veux goûter encore, j'en veux goûter encore, pour en être certain, pour en être certain. Non. Ce n'est pas du Chambertin. Quoi? Ce n'est pas du Chambertin. Non, ce n'est pas du Chambertin. On m'a pourtant bien dit la chose. Je puis me tromper, je suppose. Voyons, voyons, recommençons encore. Pour ne pas être dans mon tort. Pour ne pas être dans mon tort. Oui, oui, la chose me paraît sûre. N'est-il pas vrai? Oui, oui, décidément, je vous le jure, vous avez là du Chambertin. Ah, j'en étais bien certain, j'en étais bien certain. Vous avez là d'excellents vins, vous avez là d'excellents vins. Oh, vraiment, vraiment, j'en suis bien certain. Vous avez là d'excellents vins, vous avez là d'excellents vins. Oh, vraiment, vraiment, j'en suis bien certain. Oui, j'en suis certain. Oui, j'en suis certain. Je suis sûr à présent du nom de votre vin. Je veux que vous soyez aussi sûr de son âge. Je n'ai plus soif, ceci devient grave, mais il n'est mais rien. À quoi pour obliger ma bonté ne m'engage. Vous dites donc qu'il a 10 ans. On dit qu'il a 10 ans. Il a 10 ans. Il a 10 ans. C'est un vin des plus excellents. C'est un vin des plus excellents. Êtes-vous sûr qu'il a 10 ans? Oh oui, êtes-vous sûr qu'il a 10 ans? Oh, bien sûr. J'en veux goûter encore, et sans perdre de temps, et sans perdre de temps. Non, non, non, ce vin-là n'a pas 10 ans. Quoi? Ce vin-là n'a pas 10 ans? Non, ce vin-là n'a pas 10 ans. On m'a pourtant bien dit la chose. Je puis me tromper, je suppose. Voyons, voyons. Examinons encore, pour ne pas être dans mon tort, pour ne pas être dans mon tort. Oui, oui, il a 10 ans. J'en suis certain. Il en a 12. Ah, il en a 12. J'en étais bien certain. Oui, vraiment, maintenant, j'en étais bien certain. Vous avez là d'excellents vins. Vous avez là d'excellents vins. D'excellents vins, d'excellents vins. Vraiment, vraiment, d'excellents vins. Vous avez là d'excellents vins. Vous avez là d'excellents vins. Vous avez là d'excellents vins. Vraiment, vraiment, d'excellents vins. D'excellents vins. Décidément, je vous le jure. Je vous le jure, c'est, ou du moins, c'était du Chambertin. Ah oui, c'était du Chambertin. Oui, c'était du Chambertin. Ah oui, c'était du Chambertin. Oui, c'était du Chambertin. Vous Godzilla. Dès que c'est l'on va, oui, Godzilla, dès que c'est l'on va.